Le capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Adaptation Serge Martel. Réalisation Claude Chebel, Evelyne Frémy. Avec Éric Dufaille, Sigognac, Isabelle Duby, Isabelle, Fred Persson, Le Tyran, Angelo Bardi, Blasius. Musique originale, Pierre-Max Dubois. Quatrième épisode, Naissance du capitaine Fracasse. L'action se passe sous le règne de Louis XIII. Le baron de Sigognac, jeune noble sans fortune, a quitté son château des Landes pour suivre la jeune et pure Isabelle et ses camarades comédiens. Après avoir donné une représentation chez le marquis de Bruyères, la troupe a repris sa route, sans Herbine toutefois, car la soubrette s'est laissée séduire et enlever par le marquis. Et le voyage se poursuit, ponctué de spectacles, tandis que l'hiver approche. Comment se fait-il, chère Isabelle, que vous, qui avez toutes les façons d'une demoiselle de haut lignage, soyez ainsi attachée à cette troupe errante de comédiens, braves gens sans doute, mais non de même race que vous? N'allez pas me croire une princesse infortunée. Mon histoire est toute simple. Le chariot de Thespis a été mon lieu de nativité et ma patrie voyageuse. Ma mère, qui jouait les princesses tragiques, était une fort belle femme. Elle prenait ses rôles au sérieux. Et quand elle rentrait dans les coulisses, elle fermait opiniâtrement l'oreille aux promesses des galantins. Or, cette fierté étrange en une comédienne, toujours soupçonnée de mœurs légères, étant venue à la connaissance d'un puissant prince, il la trouva de bon goût. Comme son rang dans le monde équivalait à celui de reine au théâtre, il fut reçu d'un accueil moins farouche. Il était jeune, beau, parlait bien, était pressant, et possédait ce grand avantage de la noblesse. Vous voyez en moi le fruit de ces belles amours. Cela explique les grâces sans seconde dont on vous voit orner. Un sang princier coule dans vos veines. Cette liaison dura plus longtemps que n'ont coutume les intrigues de théâtre. Malheureusement, des raisons d'État vinrent à la traverse. Le prince dut s'éloigner. Un illustre mariage fut négocié par sa famille. Il lui fallut céder. Des sommes assez fortes furent offertes à ma mère pour adoucir cette rupture devenue nécessaire, la mettre à l'abri du besoin et subvenir à mon éducation. Mais elle ne voulut rien entendre, disant qu'elle n'acceptait point la bourse sans le cœur. La mort dans l'âme, elle continua donc son métier de princesse tragique, jusqu'à son trépas, qui ne tarda guère. J'étais alors une fillette de 7 ans. Je jouais de petits rôles proportionnés à ma taille et à mon intelligence. La mort de ma mère me causa un chagrin au-dessus de mon âge. Et je me souviens qu'il fallut me fouetter ce jour-là pour me forcer à jouer un des enfants de Médée. Puis, cette grande douleur s'apaisa par les cajoleries des comédiens et des comédiennes. Blasius, qui faisait partie de notre troupe, m'apprit la récitation, les façons de dire et d'écouter, les poses, les gestes, tous les secrets d'un art où il excelle. Et le nom de ce prince, le savez-vous? Il serait peut-être dangereux pour mon repos de le dire, mais il est resté gravé dans ma mémoire. Existe-t-il quelque preuve de sa liaison avec votre mère? Je possède un cachet armorié de son blason. Je vous le montrerai un jour. Le voyage se faisait à petites journées, sans aventure dont il faille garder mémoire, et le chariot arriva aux environs de Poitiers. Les recettes n'avaient pas été fructueuses et l'étendue était venue. L'argent du marquis de Bruyères avait fini par s'épuiser, ainsi que les pistoles de Sigognac, dont la délicatesse eut souffert de ne pas soulager, dans la mesure de ses pauvres ressources, ses camarades de détresse. Arrêtez-nous! Je veux descendre! Venez-y, frère Isabelle! Dame, reste dans la charrette. Notre dernier cheval peut encore vous tirer. Oh, nous l'aiderons en poussant. Cette pauvre bête, on ira plus loin. Voici qu'il commence à neiger. Oui. Il paraît que la ménagère céleste plume des oies là-haut et secoue sur nous le duvet de son tablier. La chair m'en plairait davantage. Et à moi donc. Voilà un terrible temps, monsieur le baron. Et je regrette pour vous de vous voir partager notre mauvaise fortune. Je n'ai point été élevé sur les genoux de la mollesse. Je ne suis point homme à m'effrayer pour quelques flocons de neige. Ce sont ces femmes que je plains, obligées à supporter des fatigues et des privations comme routiers en campagne. Oh, elles y sont de longue main habituées. Et ce qui serait dur à des femmes de qualité ou à des bourgeoises ne leur semble pas autrement pénible. Cette fois, il va falloir pousser à la roue. Allons-y, mes amis. Sylvain, oui. Prends notre cheval par le bridon. Oui. Tu pourras ainsi le soutenir. Tu as une force à le faire. La tempête se calme un peu, arrêtons-nous. Où donc est Matamor ? Est-ce que le vent l'aurait emporté ? C'est peut-être blotti au fond de la voiture. Oh, Matamor ! Secoue tes oreilles si tu dors et réponds à l'appel. Oh, Matamor ! Nous ne l'avons pas vu ? La neige nous aveuglait et nous le pensions à quelques pas de la charrette. Qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. Sans doute, il se sera, pendant le plus fort de la tourmente, abrité derrière quelques troncs d'arbres. Il ne tardera pas à nous rejoindre. La nuit vient, il ferait bien de ne pas tarder. Il doit être arrivé quelque chose à notre camarade. Cette maudite bête hurle comme pour un mort. Oh mon Dieu, pauvre Matamor. Que fais-tu, Blasius ? Il faut l'aller chercher sans plus attendre. Avec cette lanterne dont la lumière lui servira de guide s'il s'est égaré. Car en ces temps neigeux, il est facile d'errer. Je te suis. Je vous accompagne. Léandre et Scapin resteront auprès des dames. Matamor ! Matamor ! Matamor ! Matamor ! Matamor ! Enfin, Cigognac, qui avait la vue perçante, crut démêler à travers l'ombre, au pied d'un arbre, une figure d'un aspect fantasmatique, étrangement roide et sinistrement immobile. C'était bien le pauvre Matamor. Le masque était d'un blanc de cire. Le nez, pincé aux ailes par les doigts noueux de la mort, luisait comme un os de seiche. La peau se tendait sur les tempes, les yeux dilatés regardaient comme deux yeux de verre. Le cachet de l'éternel silence scellait ses lèvres, d'où s'étaient envolées tant de joyeuses rodomontades, et la tête de mort, sculptée par la maigreur, apparaissait déjà à travers ce visage pâle où l'habitude des grimaces avait creusé des plis horriblement comiques que le cadavre conservait. Aussi mort que Khéops sous la grande pyramide. Portons-le jusqu'à la charrette. Demain, il fera jour et nous l'inhumerons le plus décemment possible. À nous autres, histrions, l'église marâtre nous ferme, lui, du cimetière et nous refuse cette douceur de dormir en terre sainte. Il nous faut aller pourrir aux gémonies comme chiens crevés ou chevaux morts. Après avoir en notre vie amusé les plus gens de bien. Je songe à Milon Crotoniat, qui tua un bœuf d'un coup de poing et le mangea dans une seule journée. Cet exploit me plaît, et je me sens capable de le renouveler. Par malheur, il manque le bœuf. Oui, je n'ai que le poing. et l'estomac. Il me semble qu'en creusant la fosse de ce pauvre matamor, j'en ai creusé une en moi-même. Que rien ne saurait combler. Les anciens étaient fort sages qui faisaient suivre les funérailles de repas abondants. Pour la plus grande gloire des morts et meilleure santé des vivants. Voici un petit bois merveilleusement propre à une halte. On pourrait, s'il reste encore quelques provisions de bouche, déjeuner tant bien que mal, abriter de la bise derrière ce paravent naturel. Cet arrêt donnera au cheval le temps de se reposer et nous permettra, tout en grignotant nos bribes, de confabuler sur les résolutions à prendre pour l'avenir de la troupe, qui me paraît diablement chargée de nuages. Tu parles d'or, ami Scapin. Nous allons exhumer du bissac, hélas plus plat que la bourse d'un prodigue, quelques reliefs restent des splendeurs d'autrefois. Il y a encore deux ou trois flacons de vin, les derniers d'une vaillante troupe. Avec cela, on peut tromper sa faim et sa soif. Belle ordonnance! Un majordome ne disposerait pas mieux les choses. Blasius, bien que tu sois un merveilleux pédant, ta véritable vocation était celle d'officier de bouche. J'ai bien eu cette ambition, mais la fortune adverse l'a contrariée. Surtout, mes petits bedons, n'allez pas vous jeter gloutonnement sur les mets. Mastiquez avec lenteur et componction. D'ailleurs, je vais vous tailler les parts, comme cela se pratique sur les radeaux dans les naufrages. À toi, tyran, cet os jambonique auquel pend encore un lambeau de chair. De tes fortes dents, tu le briseras et en extrairas philosophiquement la moelle. À vous, mesdames, ce fond de pâté enduit de farce dans ses encoignures. C'est un mets délicat, savoureux et nutritif. À vous, baron de Cigognac, ce bout de saucisson. Prenez garde seulement d'avaler la ficelle qui en noue la peau. Il faut la mettre à part pour le souper. Léandre, Scapin et moi, nous nous contenterons de ce vénérable morceau de fromage, sourcilleux et barbu comme un ermite en sa caverne. Quant au pain, ceux qui le trouveront trop dur auront la faculté de le tremper dans l'eau. Pour le vin, chacun a droit à un gobelet. Et comme sommelier, je vous prie de faire rubis sur l'ongle afin qu'il n'y ait déperdition de liquide. Oh, maintenant, il serait à propos de ratiociner quelque peu sur ce que nous allons faire. Oh, il me reste à peine 3 ou 4 pistoles dans mon escarcelle. Notre troupe a perdu 2 sujets précieux, Herbine et Matamor. Avec le cheval de l'Apocalypse qui agonise entre les bras de notre charrette, il est impossible d'arriver à Poitiers avant 2 jours. D'ici là, nous risquons de crever de faim ou de froid au rebord de quelques fossés. Tu exposes fort bien le mal, mais tu n'en dis pas le remède. M'est avis de nous arrêter au premier village que nous rencontrerons. On nous prêtera bien quelques granges. Scapin, battra la caisse devant la porte, remettant un spectacle extraordinaire, avec cette facilité de payer sa place en nature. Poulet, jambon, brodevin, œufs, légumes et autres victuailles. Oh, cela ne nous remplira pas la bourse, mais le ventre. Chose importante. Quelle pièce jouerons-nous? Les tragédies et comédies seraient du pur hébreu pour ces rustiques ignorants. Oui, il nous faudra quelques bonnes farces. Avec bastonnade et coups de pied au cul. Comme cela se faisait avec le pauvre Matamor. Si je n'ai pas son talent, j'en ai presque la maigreur. Je prendrai son emploi et le remplacerai de mon mieux. Je suis votre camarade et veux l'être tout à fait. Aussi bien, j'ai honte d'avoir profité de votre bonne fortune et de vous être inutile dans l'adversité. Acceptez-moi, franchement, pour l'un des vôtres. Je ne m'appelle plus Cigognac. Cher baron. Non, laissez-moi finir, Isabelle. Je succède à Matamor et prends pour nom de guerre le capitaine Fracasse. Le capitaine Fracasse ! La résolution du baron, qui d'abord étonna les comédiens, n'était pas si subite qu'elle en avait l'air. Cigognac la méditait depuis longtemps déjà. Il rougissait d'être le parasite de ces honnêtes baladins qui partageaient si généreusement avec lui leurs pauvres ressources. Il jugeait moins indigne d'un gentilhomme de monter sur les planches pour gagner bravement sa part que de l'accepter en paresseux. Les choses ainsi réglées, on se remit en route. De chaque côté du chemin, la campagne blanche de neige s'étendait déserte à perte de vue. Voilà notre représentation, bien aventurée. Aussi loin que ma vue se porte, pas un traître clocher qui montre son coq. Un peu de patience, Blasius. Les habitations pressées vicient l'air. Les salubres ont espacé les villages. À ce compte, les gens de ce pays n'ont pas à craindre les épidémies, peste noire et fièvre maligne. Bien peur que notre capitaine fracasse ne débute pas de sitôt. Le jour baisse rapidement. Le vent se fait de plus en plus glacial. Oh, je vais passer devant pour soutenir notre pauvre Trop tard, Sylvain. N'ayez pas peur, mesdames. Je vais vous aider à descendre. La pauvre bête est bien morte. Oui. Nous allons donc être obligés de tirer nous-mêmes le chariot. Oh, la maudite fantaisie que j'eus de me faire comédien. C'est bien le temps de se lamenter. Il faut que la troupe se divise en deux bandes. L'une restera ici avec les femmes. L'autre se répandra par la campagne en quête de secours. Capitaine Fracasse, Léandre et toi, Scapin, qui êtes les plus légers, aux la patte. Courez et ramenez-nous vivement de l'aide. Blasius et moi, nous ferons sentinelle à côté du bagage. Mais attendez ! Voilà l'astre sauveur, l'étoile terrestre. Aussi agréable aux voyageurs perdus que l'étoile polaire aux nautonniers. Ton étoile n'est qu'une lampe placée derrière une vitre. Oui ! Ce qui suppose une chambre bien close et bien chaude, faisant partie d'une maison habitée par des êtres humains et civilisés. Nous allons nous diriger tous vers ce phare de salut. Il n'est guère probable qu'il passe des voleurs cette nuit sur cette route déserte pour dérober notre forêt, notre place publique et notre salon. Prenons chacun nos hardes. Le paquet n'est pas bien lourd aussi bien. Je commence à ne plus sentir le bout de mon nez. Restez ici, à quelque distance. Notre nombre effraierait ces gens qui nous prendraient pour une bande de malandrins. Je suis vieux et de mine paterne. Je vais seul entamer les négociations. Blasius alla frapper à la porte qui s'entrebâilla, puis s'ouvrit toute grande. Alors, de la place où ils étaient plantés, les pieds dans la neige, les comédiens virent un spectacle assez inexplicable et surprenant. Le pédant et le fermier, qui haussait sa lampe pour éclairer au visage l'homme qui le dérangeait ainsi, se mirent, après quelques mots échangés, à gesticuler d'une manière bizarre et à se ruer en accolade, comme cela se pratique au théâtre pour les reconnaissances. Oh là, oh là, arrivez sans crainte! Nous sommes chez un enfant de la balle, un mignon de Thespis, le célèbre Bel Ombre. Vous connaissez tous sa gloire insigne. Bénissez le hasard qui nous adresse juste à la retraite philosophique où ce héros du théâtre se repose sur ses lauriers. Entrez, mesdames et messieurs. Le vent froid de la nuit pourrait enrouer vos précieux organes. Quelque modeste que soit ma demeure, vous y serez toujours mieux qu'en plein air. Cela me fait souvenir de votre bon accueil à Cigognac, capitaine Fracasse. Notre bonheur serait parfait si Matamor était là. Que lui est-il donc survenu de fâcheux ? Oh, il est mort de froid sur la route. Et sans la rencontre heureuse que nous avons faite d'un ancien et brave camarade, cette nuit, il nous en pendait autant au nez. Demain, j'enverrai chercher votre chariot et nous dresserons un théâtre dans la grange. Hein? Il y a près d'ici un gros bourg qui nous fournira des spectateurs. Si la représentation ne suffit pas, au fond de ma bourse dorment quelques bonnes pistoles. Je ne laisserai pas mon vieux Blasius et ses amis dans l'embarras. Je vois que tu es toujours le généreux bel ombre. Oh, tout en cultivant les terres dont j'ai hérité, je ne laisse pas mon cerveau en friche. Je relis les vieux auteurs. J'étudie par manière de passe-temps les rôles à ma convenance. Et je m'aperçois que je n'étais qu'un grand fat au temps où l'on m'applaudissait parce que j'avais la voix sonore, le port galant et la jambe belle. Alors je ne me doutais pas de mon art et j'allais à travers tout. La sottise du public fit mon succès. Le grand bel ombre seul peut parler ainsi de lui-même. L'art est long, la vie est courte. Surtout pour le comédien obligé de traduire ses conceptions au moyen de sa personne. J'allais avoir du talent, mais je prenais du ventre. Chose ridicule en mon emploi de beau ténébreux et d'amoureux tragique. Je saisis l'occasion de cet héritage... Et je me retirais dans ma gloire, ne voulant point imiter ces obstinations qui se font chasser des tréteaux à grand renfort de trognons de pommes. Ce soir, grand spectacle! Représentation extraordinaire. Les illustres comédiens de la troupe déambulatoire, dirigés par le sieur Hérode, qui ont eu l'honneur de jouer devant des têtes couronnées, se trouvant de passage dans ce pays, donneront pour cette fois seulement, car ils sont attendus à Paris, une pièce merveilleusement amusante et comique, intitulée « Les rodomontades du capitaine Fracasse ». Avec costumes neufs, jeux de scène inédits et bastonnades réglées, les plus divertissantes du monde. Ce sera très plaisant à voir. La représentation aura lieu dans la grange de Maître Bellombre, disposée à cet effet et abondamment pourvue de banquettes et luminaires. Travaillant plutôt pour la gloire que pour le profit, nous accepterons non seulement l'argent, mais encore les denrées et provisions de bouche en faveur de ceux qui n'auraient pas de monnaie. On se le dise ! Les premiers pas sur la scène ont pour spectateurs des veaux et des bêtes à cornes. Il y aurait de quoi humilier mon amour-propre si j'en avais. Ce ne sera pas la dernière fois que vous aurez un tel public. Il y a toujours dans la salle des imbéciles et des maris. Pour un novice, Cigognac ne jouait pas trop mal. Et l'on sentait qu'il se formerait vite. Il avait la voix bonne, la mémoire sûre et l'imagination assez lettrée pour ajouter à son rôle ses répliques qui naissent de l'occasion et donnent de la vivacité au jeu. La pantomime le gênait davantage, étant fort entremêlé de coups de bâton, lesquels révoltaient son courage, encore qu'ils ne vinssent que de bourrelets de toile peinte remplis d'étoupes. Ses camarades le ménageaient autant que possible, mais il se courrouçait malgré lui, faisant de terribles grimaces. Puis, se rappelant tout à coup l'esprit de son rôle, il reprenait une physionomie lâche, effarée, et subitement coarde. Gardez de corriger en vous ces mouvements qui viennent de nature. Ils sont très beaux et produiront une variété nouvelle de matamores. Quand vous n'éprouverez plus ces indignations furieuses, feignez-les. Mais votre fracasse voudrait bien être brave. Il aime le courage. Les vaillants lui plaisent. Et il s'indigne lui-même d'être si poltron. Loin du danger, il ne rêve qu'exploits héroïques. Mais quand vient le péril, son imagination trop vive lui représente la douleur des blessures, le visage camard de la mort, et le cœur lui manque. Cette méthode vaut mieux que ces titubations de jambes, écarquillements d'yeux et autres grimaces plus simiesques qu'humaines, par lesquelles les mauvais comédiens sollicitent le rire du public et perdent leur art. Thank you. L'âme perfide qui trahit ton maître au moment suprême. Est-ce ainsi que tu me récompenses de t'avoir toujours abreuvé du sang des plus fiers capitaines et des plus vaillants duellistes? Je ne sais à quoi il tient que je ne te brise en mille morceaux sur mon genou, comme lâche, parjure et félonne. Mais tu m'as voulu faire comprendre qu'un vrai guerrier doit rester sur la brèche. En effet, cette semaine, je n'ai défait aucune armée. Je n'ai pas fourni à la mort sa ration de cadavres, et la rouille est venue à mon glaive. Leçon profonde, enseignement philosophique, apologue moral. Désormais, je tuerai deux ou trois hommes avant le déjeuner pour être sûr que ma rapière joue librement. Mais m'en souvenir. Le capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Adaptation Serge Martel. C'était le quatrième épisode avec Éric Dufay, Sigognac, Isabelle Duby, Isabelle, Fred Persson, Le Tyran, Angelo Bardi, Blasius, et Jean-Noël Sicia, Bernard Bouillon, Pierre Attet, Jacqueline Parent, Arlette Renard, François Chaumette. Musique originale, Pierre-Max Dubois. Bruitage, Alain Platiot. Chef opérateur du son, Pierre Mine. Collaboration technique, Serge Ristich. Réalisation, Claude Chebel, Evelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Derouet.